et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 22e épisode, la chambre rouge de la maison d'Auteuil. En déshéritant sa petite fille, qu'il aime pourtant beaucoup, le vieux noirtier de Villefort vient de compromettre sérieusement le projet de son fils, procureur du roi, qui avait envisagé d'unir Valentine au baron Franz d'Épinay. Or, ce dernier n'est autre que le fils du général Quesnel, assassiné en 1815 par des bonapartistes, et à cette époque, le vieux noirtier avait été mêlé très étroitement au retour de l'île d'Elbe de Napoléon Ier. De son côté, Héloïse de Villefort ne tient pas à ce que la fortune de Noirtier échappe à Valentine, pour qui, cependant, elle ne témoigne guère d'affection. Pour sa part, le comte de Monte Cristo s'est rendu à un poste de télégraphe Chappe, proche de Paris. Et là, il est parvenu à faire transmettre une fausse nouvelle qui a fait perdre à Danglars près d'un million de francs. C'est le premier coup porté à la fortune du banquier. Ce Danglars, qui plus de 20 ans auparavant a contribué à causer la perte d'Edmond Dantès. Et nous voici maintenant à Auteuil, au soir du samedi 6 juin 1838, dans cette maison de la rue La Fontaine, où quelques invités de marque ont été rassemblés par le comte. Monsieur le major Bartolomeo Cavalcanti. Monsieur le vicomte Andrea Cavalcanti. Cavalcanti, un beau nom. Vous dites vrai, Morel. Ces Italiens se nomment bien, mais ils s'habillent mal. Oh, vous êtes difficile, Château Renaud. Ces habits sont d'un excellent faiseur. Et tout neuf. Voilà justement ce que je leur reproche, mon cher Debray. Ce jeune homme a l'air de s'habiller aujourd'hui pour la première fois. Qu'est-ce que c'est que ces messieurs ? Noblesse d'Italie, monsieur Danglars. Qui dit Cavalcanti, dit race de prince. Belle fortune ? Oh, fabuleuse. Ils essaient de la manger sans pouvoir en venir à bout. Ils ont d'ailleurs des crédits sur vous, à ce qu'ils m'ont dit. Je les ai même invités à votre intention. Je vous les présenterai. Il me semble qu'ils parlent très purement le français. Le fils a été élevé dans un collège de Marseille, ou des environs, je crois. Vous le trouverez dans l'enthousiasme. Oh, de quoi, monsieur le comte ? Des françaises, madame. Il veut absolument prendre femme à Paris. Une belle idée qu'il a là. Le baron paraît bien sombre. Est-ce qu'on voudrait le faire ministre, par hasard ? Non, pas encore, que je sache. Je crois plutôt qu'il a joué à la bourse, qu'il a perdu, et qu'il ne sait à qui s'en prendre. Monsieur et Madame de Villefort. Ah. Que voulez-vous, Monsieur Bertuccio ? Son Excellence ne m'a pas dit le nombre exact de ses convives. Combien de couverts ? Comptez vous-même. Tout le monde est-il arrivé, Excellence ? Oui. Ah, mon Dieu ! Quoi donc ? Ah, cette femme. Laquelle, Monsieur Bertuccio ? Celle qui a une robe blanche et tant de diamants. La blonde. Ah, Madame la Baronne Danglars. Je ne sais comment on la nomme, mais... Mais c'est elle, monsieur, c'est elle. Qui, elle ? La femme du jardin, celle qui était enceinte, celle qui se promenait en attendant. Oh. En attendant qui ? Lui, Monsieur le procureur du roi de Villefort? Oui. Ah, ça. Mais je ne l'ai donc pas tué. Il n'est donc pas mort. Eh non. Vous le voyez bien. Au lieu de frapper entre la sixième et la septième côte, vous aurez frappé plus haut ou plus bas. Et ces gens de justice, ça vous a l'âme chevillée dans le corps. Mais c'est pas possible. Voyons, rappelez votre calme, monsieur Bertuccio. Et comptez, monsieur et madame de Villefort, 2, monsieur et madame d'Anglard, 4, monsieur de Château-Renaud, monsieur Lucien Debray, monsieur Morel, 7, monsieur le major Bartolomeo Cavalcanti, 8. 8, bien, 9 couverts. Attendez. Vous êtes si pressé de vous en aller que vous oubliez un de mes convives. Là, sur la gauche, tenez, monsieur Andrea Cavalcanti. Ce jeune homme en habit noir qui se tourne vers nous juste à l'instant. Benedetto. Ah, fatalité. Il est 6h30, monsieur Bertuccio. C'est l'heure où j'ai donné l'ordre qu'on se mit à table. Vous savez que je n'aime point attendre. Monsieur le comte est servi. Monsieur de Villefort, faites-vous donc le cavalier de madame la baronne d'Anglard, je vous prie. N'est-il pas vrai, comte, que vous n'avez acheté cette maison qu'il y a un peu plus d'une semaine? Ma foi, tout au plus. Eh bien, je suis sûr qu'elle a subi une transformation complète. Car si je ne me trompe, il y avait une autre entrée et la cour était pavée et vide. Tandis qu'aujourd'hui, elle possède un magnifique gazon d'arbres qui paraissent avoir 100 ans. Et que voulez-vous? J'aime la verdure et l'ombre. En quelques jours, c'est un prodige. En effet, d'une vieille maison en faire une neuve, c'est une chose miraculeuse. Car elle était fort vieille, et même fort triste. Je me rappelle avoir été chargé par ma mère de la visiter quand M. de Saint-Méran l'a mise en vente. Elle était restée inhabitée pendant plus de 15 ans. En vérité, si elle n'eût point appartenu au beau-père d'un procureur du roi, on eût pu la prendre pour une de ces maisons maudites où quelque grand crime a été commis. C'est bizarre, mais cette même pensée m'est venue la première fois que j'y ai entré. Cette maison me parut si lugubre que jamais je ne l'eusse acheté si mon intendant n'eût fait la chose pour moi. Probablement que le drôle avait reçu quelques pourboires du tabellion. Croyez que je ne suis pour rien dans cette corruption. Il y avait surtout une chambre, bien simple en apparence, tendue de damas rouge, qui m'a paru, je ne sais pourquoi, dramatique au possible. Mais vous avez dit le mot, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où il semble qu'on respire naturellement la tristesse? Pourquoi, on n'en sait rien. Tenez, puisque nous avons fini de dîner, il faut que je vous la montre, cette chambre. Puis nous redescendrons au jardin prendre le café. Après le dîner, le spectacle. Oh, je... Avez-vous entendu, Villefort? Oui. Que faisons-nous? Il faut y aller. Super. Que c'est beau. Quel goût. Superbe. Oh, ces tableaux! Un Vandyck! Vous avez vu ces deux Murillo? Et ce Holbein, je le connais. Il a été refusé par le musée qui le trouvait trop cher. Ah! Cette tapisserie! Oh, quel goût! Quel luxe aussi! Et ce meuble-là, tenez, c'est un vrai musée! Et cette chambre meublée à l'oriental! Oh, cher comte, c'est tout simplement ravissant! Et voici la fameuse chambre. J'ai défendu qu'on y changeât quoi que ce soit. Courage, Hermine. Oh, Gérard. Oh, c'est effrayant, en effet. N'est-ce pas? Voyez comme ce lit est bizarrement placé. Quelle sombre et sanglante tenture. Et ces deux portraits au pastel que l'humidité a fait pâlir, ne semblent-ils pas dire, avec leurs lèvres blêmes et leurs yeux effarés, j'ai vu. Oh. Oh, Hermine, je trouve que vous avez bien du courage de vous asseoir sur cette chaise où peut-être le crime a été commis. Oh! Et ce n'est pas tout. Mais quoi encore? Oui, quoi d'autre? Car jusqu'à présent, je n'ai pas vu grand-chose. Que dites-vous? de ce petit escalier. Il est sinistre, il n'y a pas d'autre mot. Vous figurez-vous un Othello quelconque, descendant pas à pas par une nuit sombre et orageuse, cet escalier, avec quelques lugubres fardeaux qu'il a hâte de dérober à la vue des hommes, sinon au regard de Dieu. Mais qu'avez-vous, Madame Danglars? Comme vous pâlissez. Ce qu'elle a, elle a que Monsieur de Monte-Cristo nous raconte des histoires épouvantables, dans l'intention sans doute de nous faire mourir de peur. En effet, comte, vous épouvantez ces dames. En vérité, madame, est-ce que cette terreur est sérieuse? Non, non, monsieur, non. Mais vous avez une façon de supposer les choses qui donne à l'illusion l'aspect de la réalité. Tout cela est une affaire d'imagination. Car pourquoi ne pas plutôt se représenter cette chambre comme une bonne et honnête chambre de mère de famille? Et cet escalier mystérieux, comme le passage par où, doucement et pour ne pas troubler le sommeil réparateur de l'accouché, passe le médecin ou le père lui-même, emportant l'enfant qui dort. Madame Danglars se trouve mal. Oh, mon Dieu! Et moi qui ai oublié mon flacon. J'ai le mien. Tenez, comte. Ah? Oui. Sur vos indications, j'ai essayé et réussi, je crois. Nous allons voir. Une seule goutte. Et en effet, Madame Danglars revient à elle. Oh, quel rêve affreux. Je suis vraiment désolé, madame. Venez, descendons au jardin prendre le café. Je crois que votre mari y est déjà. En vérité, madame, est-ce que je vous ai fort effrayé? Non. Mais vous savez, les choses nous impressionnent selon la disposition d'esprit où nous nous trouvons. En effet, oui. Et alors, il suffit d'une supposition, d'une chimère... J'ai la conviction qu'un crime a été commis dans cette maison. Prenez garde, nous avons ici un procureur du roi. J'en profiterai pour faire ma déclaration. Et en face de témoins. Eh bien, s'il y a réellement eu crime, nous allons faire admirablement la digestion. Il y a eu crime. Venez par ici. Venez, mesdames, messieurs, venez, monsieur de Villefort. Pour que la déclaration soit valable, elle doit être faite aux autorités compétentes. Venez, ici, à cette place même, pour rajeunir ces arbres déjà vieux, j'ai fait creuser et mettre du terreau. Eh bien, les jardiniers, en creusant, ont déterré un coffre, ou plutôt des ferrures de coffre, au milieu desquelles était le squelette d'un enfant nouveau-né. Oh. Ça n'est pas de la fantasmagorie, cela. Un enfant nouveau-né? Regarde, ça devient sérieux. Je ne me trompais donc pas quand je prétendais que les maisons avaient une âme et un visage, comme les hommes, et qu'elles portaient sur leur physionomie un reflet de leurs entrailles. Cette maison était triste parce qu'elle avait des remords. Elle avait des remords parce qu'elle cachait un crime. Qui dit que c'est un crime? Mais comment? Un enfant enterré vivant dans un jardin, ce n'est pas un crime? Comment appelez-vous donc cela, monsieur le procureur du roi? Mais qui dit qu'il a été enterré vivant? Et pourquoi l'enterrer là s'il était mort? Ce jardin n'est pas un cimetière. Que fait-on aux infanticides dans ce pays? Oh mon Dieu, on leur coupe le cou. Eh oui, on leur coupe le cou. N'est-ce pas, monsieur de Villefort? Oui. Mais le café! Oh, il me semble que nous l'oublions. Il faut que je vous parle, Hermine. Demain, si vous le pouvez. Oui. Où cela? À mon bureau, au parquet. C'est encore l'endroit le plus sûr. Oui, j'irai. Demain, monsieur Danglars, J'aurai l'honneur de vous rendre visite pour affaires. Et moi, monsieur le major, je serai heureux de vous recevoir. Grâce Puisque vous parlez affaires, baron, vous ne verrez, j'espère, aucun inconvénient à ce que monsieur de Villefort et moi-même raccompagnons madame Danglars. Réellement, elle ne se sent pas très bien. Je vous remercie, madame. Voilà qui me va fort bien, d'autant qu'il faut que je passe à mon bureau. La prochaine fois, Alex, vous viendrez me prendre avec le Tilbury au bas du perron au lieu de m'attendre à la porte. Oui, monsieur. Mande pardon, notre bourgeois. Ah, que voulez-vous ? On ne m'en dit pas le soir. Éloignez-vous. Je ne m'en dis pas, mon joli garçon. Je désire seulement dire deux mots à votre bourgeois qui m'a chargé d'une commission il y a 15 jours à peu près. Voyons, que me voulez-vous ? Dites vite, mon ami. Je veux que tu me laisses monter dans ta belle voiture et que tu me reconduises, mon petit Benedetto. Alex. Oui, monsieur. Cet homme a effectivement à me rendre compte d'une commission. Allez à pied jusqu'à la barrière et là, vous prendrez un cabriolet pour rentrer. Mais monsieur... Allez, vous dis-je. Bien, monsieur. Tu comprends, ce n'est pas pour la gloire de monter dans une belle voiture. Non, c'est seulement parce que je suis fatigué. Et aussi parce que j'ai à causer d'affaires avec toi. C'est bien. Montez. Pourquoi venez-vous me troubler dans ma tranquillité ? Et toi-même, mon garçon, pourquoi tu te défies de moi ? En quoi me suis-je défié de vous ? Ah, mais tu le demandes ! Nous nous quittons au pont du Var et tu me dis que tu vas voyager en Piémont ? Alors que tu viens à Paris ! Et alors, en quoi cela vous gêne ? Rien, au contraire. J'espère même que tu vas m'aider. Ah, vous spéculez sur moi ? Bon ! Voilà les gros mots qui arrivent. Vous auriez tort, maître Cadrousse, je vous en préviens. Eh, ne te fâche pas, le petit. Tu sais ce que c'est, le malheur, ça rend jaloux. Je te vois dans le Piémont, et je te vois passer à Auteuil, avec un groom, avec un Tilbury, avec des habits tout flambants neufs. Ah ça, mais tu as donc découvert une mine, hein ? Ou acheté une charge d'agent de change ? De sorte que vous êtes jaloux. Mais non, non, non. Je suis content. Si content que j'ai voulu te faire mes compliments. Mais comme je n'étais pas vêtu régulièrement, j'ai pris mes précautions. Pour ne pas te compromettre. Belle précaution. Vous m'abordez devant mon domestique. Je t'aborde quand je puis te saisir. Tu es naturellement glissant comme une anguille. Si je t'avais manqué ce soir, je courais le risque de ne pas te rejoindre. Vous voyez bien que je ne me cache pas. Tu es bien heureux. Moi, je me cache. Que vous faut-il ? Tu ne me tutoies plus ? C'est mal, Benedetto. Monsieur le camarade. Prends garde. Tu vas me rendre exigeant. C'est mal à toi-même, Cadrousse, de me parler comme ça. Entre gens comme nous, la menace est mauvaise. Tout doit se faire à l'amiable. Enfin, est-ce ma faute si la chance qui continue d'être mauvaise pour toi est bonne pour moi ? Bonne ? Ah, ce n'est donc pas un groupe d'emprunt que nous avons là, et le Tilbury est à toi, comme les habits. Ah bien, bon, tant mieux. Comme tu as dû dîner chez ce prince d'où tu sors. C'est pas un prince, c'est un comte. Un comte ? Oh, bien riche, hein ? Ah, ouais, ouais, non mais t'y fie pas, hein. C'est un monsieur qui a pas l'air commode. Sois tranquille, on n'a pas de projet sur lui. Et on te le laissera pour toi tout seul. Mais... il faut me donner quelque chose pour cela. Tu comprends ? Bon, que te faut-il ? Bon, je crois qu'avec... 100 francs par mois, je vivrai. Avec 100 francs ? Mal, je vivrai mal. Mais avec 150 francs, je serai fort heureux. En voilà 200. Alors tu te présentes chez le concierge de l'Hôtel des Princes tous les premiers du mois et tu t'en trouveras autant. Voilà encore que tu m'humilies. Tu me mets en rapport avec la balotaille. Non, non, je ne veux avoir affaire qu'à toi. Eh bien, demande-moi. Et quand je toucherai ma rente, tu toucheras la tienne. De même. Alors, je vois que je ne m'étais pas trompé. Tu es un brave garçon, Benedetto. C'est une bénédiction quand le bonheur arrive à des gens comme toi. Voyons. Compte-moi ta chance. Ah, qu'as-tu besoin de savoir ça? Bon, encore de la défiance. J'ai retrouvé mon père. Un vrai père? Eh, dame, tant qu'il perd, hein. Et comment l'appelles-tu, ton père? Le major Cavalcanti. Et moi, je suis le vicomte Andrea Cavalcanti. Et qui t'a fait retrouver ce père-là? Le comte de Monte Cristo. Celui de chez qui tu sors, là? Eh oui. Et toi, que vas-tu faire, Pedrousse? Ah, tu es bien bon de t'occuper de ça. Puisque tu prends intérêt à moi, je puis bien à mon tour prendre quelques informations. Ah, ben c'est juste, eh bien. Je vais louer une chambre dans une maisonnette, me couvrir d'un habit décent, me faire raser tous les jours. Il y a les lions, les journaux au café. Le soir, j'entrerai dans quelques spectacles avec un chef de claque. J'aurai l'air d'un boulanger retiré. C'est mon rêve. Si tu veux mettre ce projet à exécution et être sage, tout ira à merveille. Et toi, que vas-tu devenir? Maire de France? Eh. Qui sait? Monsieur le major Cavalcanti, il est peut-être, mais malheureusement, l'hérédité est abolie. Ah, pas de politique, Caderousse. Et maintenant que tu as ce que tu veux que tu sois arrivé, allez, saute en bas de ma voiture et disparaît. Comme je suis là? Un mouchoir rouge sur la tête, parce que pas de souliers, pas de papier du tout, et 10 Napoléons dans la poche, mais on m'arrêterait immanquablement à la barrière. Et alors, oh là là. Je serais forcé pour me justifier de dire que c'est toi qui m'as donné ces 10 Napoléons. De là, information, enquête. Alors on apprend que j'ai quitté Toulon sans donner congé et l'on me reconduit de brigade en brigade jusqu'au bord de la Méditerranée. Je redeviens purement et simplement le numéro 106 et adieu. Adieu mon rêve de ressembler à un boulanger retiré. Comment vas-tu faire pour passer la barrière sans éveiller les soupçons? Il me semble qu'avec ton costume, là, tu risques encore plus en voiture qu'à pied. Attends. Tu vas voir. J'enfile la houppelande que ton groom a laissée là. Chaude un peu juste, hein? Mais ne soyons pas regardants. Et maintenant, ton chapeau. Ah ben, et moi? Le vent t'aura enlevé ton couvre-chef. Allez, marche, petit. Fouette, cocher! Trop vite, s'il te plaît, hein? Inutile d'attirer l'attention par un train d'enfer. C'est pour le coup que nous nous ferions pêcher, hein? Et n'oublie pas que toi aussi, tu viens de Toulon. On te connaît là-bas. Numéro 591. Piano piano, Cavalcanti. Voilà, game. Voilà passé sans incident. Je vais descendre ici si tu veux bien. Et mon chapeau, puis le manteau de mon domestique là. Tu ne voudrais pas que je risquasse de m'enrhumer? Ah ben et moi? Toi tu es jeune, moi je commence à me faire au mieux. Adieu. Au revoir, Benedetto. Hélas, on ne peut donc pas être complètement heureux en ce monde. C'était Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 22e épisode. La chambre rouge de la maison d'Auteuil. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Lucien Debray, Gilles Guyot. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Château Renaud, François Marié. Le baron d'Anglars, Alain Mottet. La baronne d'Anglars, Claire Morier. Baptistin, Jacques Maire. Bertuccio, André Weber. Gérard de Villefort, André Oumanski. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Andrea Cavalcanti, Jean-Paul Tribou. Caderousse, Armand Meffre. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 novembre 1980. Vous pouvez le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Et demain, à la même heure, la suite.